Y a certaines choses dont on ne doit pas parler, comme de tomber amoureux de toi et moi, ça ne marchera pas. Belliqueuse amoureuse, et je t'aime, délicieux, qu'on se balance dans la gueule. Même toi, t'y crois même pas. On s'est bien vu, tous les deux main dans la main. Bâtir des souvenirs comme le petit Napoléon, on s'est construit un empire pour nous, pour notre plaisir. On s'est bien vu détruire par notre semblant d'amour. Rappelle-toi de tous les deux, nous voulions tomber amoureux de toi et moi. Nous voulions faire comme la tour Eiffel, planter notre nez au ciel, s'envoyer en l'air dans les lieux publics, ce savoir-faire millénaire qu'on montre à d'autres comment faire. On a même brûlé Carthage, fait notre âge une tragédie, une comédie de Woody Allen, sans caméra et sans paillettes. De valeureux soldats qu'on s'y croyait comme à la guerre, on s'est encore envoyé en l'air. Avec notre semblant d'amour, on a bien voulu faire tomber le mur de la providence, faire de la liberté une belle idée, la révolution une science. On s'est battu main dans la main, perdu encore perdu, en prenant de pied nos souliers en ce coin de cheminée. On s'est battu encore battu pour notre précieuse liberté, qu'on a perdu un dimanche soir. Souviens-toi, c'était en mai, comme un mariage sans marier, où on se marrait à s'aimer. Tous les deux et tous les deux, avec notre semblant d'amour, parcourir la terre entière, faisant brunir les Finistères, dans l'embrun de nos guitares, au parfum de marin, que l'océan se déchaînait, parfumer nos amourés, et que gonfle nos voiles, vers ce voyage sans fin. Mais mon amour, ma moitié, ce sera sans toi ni sans moi. Toi-même, t'y crois même pas, de toute manière, mon nom plus, on s'est échappé à l'opposé, toi la mer, moi la terre. Tous les deux, avec notre semblant d'amour. Rappelle-toi de tous les deux, nous voulions tomber amoureux de toi et moi. Nous voulions faire comme la tour Eiffel, planter notre nez au ciel, s'envoyer en l'air dans les lieux publics, ce savoir-faire millénaire qu'on montre à d'autres comment faire. On a même brûlé Carthage, fait notre âge une tragédie, une comédie de Woody Allen, sans caméra et sans paillettes. De valeureux soldats qu'on s'y croyait bien comme à la guerre, sans corps envoyé en l'air, avec notre semblant d'amour. Il y a certaines choses dont on ne doit pas parler, comme de tomber amoureux de toi et moi, ça ne marchera pas. Belliqueuse amoureuse, et je t'aime délicieux, on se balançait dans la gueule. Même toi tu crois même pas, on s'est bien vu tous les deux main dans la main. Bâtir des souvenirs comme le petit Napoléon, on s'est construit un empire pour nous, pour notre plaisir. On s'est bien vu détruire par notre semblant d'amour. Rappelle-toi de tous les deux, rappelle-toi de tous les deux.